mène en balade là-haut. Là où plus rien ne se passe, les braves partent pendant que l'homme sème le chaos. Regarde autour de toi, ce que vois-tu venir, si c'était le retour de flamme, y'a pas d'avenir. Gravé sur le pupitre, dites-leur que tout se gagne ou se perd en un coup quand tout se taille. Comment expliquer vous cela, le manque de flou, ce qui est social. Je vois plus l'éclipse totale. Le regard de ma mère me dit évite le drame, esquive les crapules. Faut que tu sois un brave, tu fais pas de grave. Abusé, ça RNAGE vous salue. Condamné à vivre sans, j'ai compris que ça urge. Putain, besoin que ça tourne comme l'anneau autour de Saturne. Si ma voix sature, c'est que la rage en moi s'évacue. Pas si simple comme parler d'approche, pas si simple, et sachez que ça me tue. Cherche pas l'amour perso, je suis tombé que sur des sales putes. Parcours enrichi d'émotions fortes mais remplies de salles. Je rêve de combler les salles, je suis pas fait pour combler les femmes. J'ai vu succomber pour détourner des armes. Sensible, savent tenir, je critique pas. Là où j'ai grandi, très peu savent tenir donc. Là où j'ai grandi, très peu savent tenir donc. Sors les phases, les missiles fusent. Je connais pas le solfège, je vois les faces se figer devant les sans domicile fixe. T'avances espérant que ça le fasse. La rage sur le faciès passe pas. Comme quand les Schmitt grattent ton passeport, il faudrait que je passe par des chemins bizarres, des étranges plateformes. Du genre touffe ton cul comme une star porn. Ça perd le temps à saturer par le pire. Tout ça me saoule et je parle pas de la foule qui s'éparpille. C'est rare que ça palpite. J'attends la prochaine mauvaise nouvelle. Plus besoin d'être mis depuis qu'on se baise nous-mêmes. Le mal se pavane, pour nous y'a pas de contrat de travail. Juste les Schmitt pour te rattraper, mais je mitraille la feuille. Vu que c'est tout ce que j'ai, écoute tout ce que je dis. Tu peux béton pour de tout ce que j'ai. J'ai plus de mise à jour, loupé le coche comme ce schlag à la gare. Je me rappelle de naguère, tout s'assurer qu'on baisserait pas la carte. On baisserait pas la carte. On se mélange pas aux autres. Je connais la piste, mais pas l'autre rose. Choisis le fils, c'est ta bite, les ch'tards aux trousses. La vie souvent m'apostrophe. Dans ta chanson j'ai tricard la fausse note. Je veux prendre ma part, la mettre dans ma grosse poche. S.A.M. S.A.M. Carnage.